Bonjour à toutes et à tous, on vous sort notre dernière actualité du mois d'avril qui traitait de la tournée du président Xi Jinping en Europe avec tout un dossier sur la question portugaise. Bonne écoute et à bientôt. Alors, un événement a fait pas mal de bruit dans les médias pendant une dizaine de jours puis a été vite oublié et nous avons décidé de creuser un peu plus le sujet. Nous parlons donc de la tournée du président Xi Jinping en Europe dans le cadre de négociations d'accords commerciaux. Mais alors, commençons par un petit rappel des faits. On a beaucoup parlé de la position d'Emmanuel Macron dans le dossier. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Océane ? Oui, Emmanuel Macron s'était rendu en Chine en janvier 2018 et avait d'ailleurs déclaré qu'il s'y rendrait tous les ans. Ce qui peut paraître symbolique, mais qui a une importance politique assez importante, c'est que le 27 janvier 2019, soit quelques semaines avant l'arrivée de Xi Jinping en France, eh bien, ça a marqué l'anniversaire de la reconnaissance par le général de Gaulle de la République populaire de Chine. Ce qui était vu à l'époque comme un signe d'indépendance de la France vis-à-vis des États-Unis qui entretenaient une relation complexe avec la Chine. La Chine aime à rappeler à la France cette indépendance, surtout dans une période où la Chine est en guerre économique avec les États-Unis. Elle lui rappelle pour pousser la France et plus largement l'Europe à ne pas adopter la même politique que leur allié américain, tout simplement parce qu'ils sont alliés. Ce qui d'ailleurs est pour l'instant le cas. L'Europe entretient une politique ambivalente, surtout d'équilibre envers la Chine. Oui, et d'ailleurs, 10 jours avant le déplacement du président chinois en Europe, l'Union européenne avait publié un plan en 10 points qui présentait la Chine à la fois comme un partenaire, un concurrent et un rival systémique. Parmi ces points, il y a plusieurs qui sont intéressants, mais il y a la possibilité de sanctionner les entreprises des pays qui n'ouvrent pas leur marché public dans les mêmes conditions que ceux de l'Union, c'est-à-dire la Chine, le renforcement du contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques, c'est-à-dire les investissements chinois surtout, la lutte contre les transferts de technologies forcés, la définition d'une approche commune destinée à assurer la sécurité du réseau 5G, etc. etc. Mais alors, même si l'Union européenne a adopté ces 10 points, il ne faut pas penser que la politique des pays européens face à la Chine est unie et envers et contre tout. Quand le président Xi Jinping est arrivé, il s'est arrêté en tout premier en Italie, avant d'aller en Monaco, puis en France. Alors l'Italie, c'est un choix qui est assez intéressant, mais peu surprenant, puisque le gouvernement de Giuseppe Conte montre depuis un moment son désir de faire affaire avec la Chine. Il faut noter que l'Italie a le deuxième endettement le plus important de la zone euro, que son économie est en récession et que sa position n'est pas vraiment en harmonie avec celle de ses voisins européens, sur le dossier chinois, mais sur plein d'autres. On a déjà parlé des conflits franco-italiens dans une précédente actualité, donc on n'y revient pas. Néanmoins, et même si l'Italie s'est particulièrement ouvert à la Chine pendant cette visite, mais on y reviendra dans une seconde, l'Italie en fait est en retard dans son commerce avec la Chine par rapport aux autres pays européens, qui font beaucoup plus de commerce et exportent beaucoup plus vers la Chine que l'Italie. Alors, l'accord qui a été signé, parce qu'il y a un accord qui a été signé entre la Chine et l'Italie, concerne des infrastructures maritimes et terrestres dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Il y a 29 contrats qui ont été signés avec une valeur de 2,4 milliards et un potentiel de 20 milliards d'euros. Emmanuel Macron a déclaré que ce n'était pas, et je cite, « une bonne méthode de discuter de manière bilatérale des textes d'accord sur les nouvelles routes de la soie ». Alors on sent bien dans ce genre de propos la distance entre la France et l'Italie, alors que l'Allemagne, elle, s'est gardée de critiquer les accords, en insistant toutefois sur le besoin d'unité de l'Europe. Mais cette remarque d'Emmanuel Macron n'a pas empêché la France de passer un contrat pour Airbus, et de parler, sans signer d'accord certes, mais de parler tout de même, de la route de la soie et de ses externalités pour la France. Néanmoins, même si tous les pays européens ne sont pas alignés sur la même politique, l'Union européenne tient des discussions régulières et assez intenses sur le sujet. Emmanuel Macron et Angela Merkel parlent de coopération équilibrée avec la Chine pour qu'elle ne prenne pas le pas sur l'indépendance de l'Europe. Les discussions Chine-Europe ont donc eu pour objectif de trouver des points de convergence, de poser un cadre à cette coopération qui existe déjà, mais qui ne fera que se renforcer avec le temps. Il y a justement deux aspects à prendre en compte dans les échanges économiques entre l'Union européenne et la Chine. Donc d'un côté, nous avons la concurrence, comme Océane vient déjà un peu de l'évoquer, et d'un autre côté, les investissements directs, et notamment ceux en rapport avec la nouvelle route de la soie. Bon, d'abord, quelques chiffres effets. Selon une étude commandée par le Parlement européen, en 2017, l'Union européenne était le principal partenaire commercial de la Chine et la Chine est en deuxième place pour l'Union. Je cite « La valeur des échanges des biens entre la Chine et l'Europe dépasse largement les 1,5 milliard d'euros par jour. Le commerce avec la Chine équivaut à 375 milliards d'euros en matière d'importation européenne de biens et à 198 milliards d'euros en matière d'exportation européenne de biens. L'Union continue d'enregistrer un déficit commercial significatif avec la Chine, qui a atteint 176 milliards d'euros en 2017. Donc, un des principaux problèmes évoqués ici est le déséquilibre vis-à-vis de l'ouverture des marchés, question qu'Océane a aussi déjà évoquée, sachant donc que l'accès au marché chinois est beaucoup plus restreint que l'inverse. La Chine reste malgré tout vue comme un nouveau terrain d'opportunité économique, raison pour laquelle il n'y a que très récemment qu'on a commencé à noter les problèmes soulevés par certains des investissements chinois en Europe et à se dire qu'il faut peut-être faire attention. En effet, comme je l'ai évoqué, la Chine a un énorme projet de nouvelle route de la soie, comporté en réalité par plusieurs routes reliant la Chine à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Afrique. Alors pour rappel, ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie, ça fait référence à la présentation de Pékin en 2014 de son projet, de ses objectifs d'influence et d'alliance dans l'espace eurasiatique. La route de la soie, c'est le second élément du projet One Belt, One Road, à travers lequel la Chine veut s'engager politiquement et économiquement en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Europe. Une route terrestre n'aurait jamais été suffisante pour satisfaire les ambitions de puissance de la Chine contemporaine, Et en plus de ça, Pékin a des intérêts en Asie méridionale et dans l'océan Indien. Donc il y a aussi une route maritime qui a été pensée par rapport aux États exclus du parcours terrestre. Et ces deux routes, donc ces deux grandes routes qui composent le projet, se rejoignent à Venise, en Italie, d'où le premier arrêt du président Xi Jinping. En effet, et pour ce faire, la Chine a acheté de nombreuses infrastructures dans plusieurs pays européens, dont notamment le Portugal, duquel je vais vous évoquer plus tard. Mais elle a notamment beaucoup acheté de ports, comme en Grèce ou en Espagne. En Europe, elle en a 14 déjà, avec des actionnaires chinois. Et dans 6 d'entre eux, ils sont majoritaires. Et la Chine continue d'avoir des plans pour acheter d'autres ports, comme à Trieste, en Italie, par exemple. Et Le Havre, en France, fait d'ailleurs partie d'un des ports qui a été vendu à 49% aux Chinois. Ce qui est quand même assez impressionnant parce que je n'en avais jamais entendu parler. Mais c'est peut-être moi qui ne me tiens pas assez bien au courant. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est le contexte chinois. Il ne faut pas penser que Xi Jinping est tout puissant face aux pays européens. Le gouvernement chinois fait face, lui aussi, à une situation économique interne difficile, avec une croissance qui faiblit, et avec, à côté, la montée en puissance de l'Inde. Elle doit aussi gérer la question de la 5G, et surtout les relations et les négociations très compliquées avec les États-Unis. Donc, entretenir de bonnes relations avec l'Europe et ne pas s'emporter, comme ça avait déjà été le cas, contre les exigences européennes, ben, c'est probablement essentiel pour la Chine. Et c'est là que la question de l'unité européenne prend tout son sens. Est-ce que l'unité européenne peut se renforcer et durer pour faire un véritable front face à la Chine et obtenir plus ? Est-ce que la Chine prend cette unité européenne au sérieux ou pas ? Et c'est sur ce point que je vais vous laisser réfléchir. Et Carolina, tu vas nous parler de la spécificité du Portugal. En effet, je vous parle du Portugal puisque c'est un cas que je connais personnellement. Et c'est assez flagrant par la diversité de situations dans lesquelles il y a eu des investissements chinois. Alors, entre 2010 et 2016, le Portugal a été le deuxième pays en Europe à recevoir le plus d'investissements chinois derrière la Finlande. Il faut remarquer que cela coïncide notamment avec quand la crise a tapé en son plein le Portugal et que la situation était réellement compliquée. La plupart des personnes extérieures ne se rendent pas compte, puisque à la période de la crise, on a surtout parlé de la Grèce et éventuellement de l'Irlande et de l'Espagne. Mais la réalité est que le Portugal a été très gravement affecté. Tout ça pour dire que le Portugal avait de très nombreuses pressions, notamment extérieures, avec la Troïka, pour récupérer de l'argent. Donc, quel était le moyen le plus rapide de faire ça? C'était de vendre. Ce n'est clairement pas exclusif au Portugal, tout ça, à travers toute l'Europe, il y a eu une grande vague de privatisation pendant la crise. Mais donc, au Portugal, ça donne quoi comme résultat? Dans le secteur financier, la plus grande assurance portugaise a été achetée à 85% par une entreprise publique chinoise, lui ouvrant des portes à d'autres assurances au pays. Une banque a été achetée et une autre, la plus grande banque privée du Portugal, est détenue à 27% par les Chinois, sachant que leur objectif est d'atteindre les 30%. Je fais une petite parenthèse pour dire que il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises en Chine qui sont publiques et reliées au pouvoir en place. Donc, on se rend peut-être parfois pas compte, puisque parfois on pense que c'est des entreprises, mais en réalité, c'est lié au pouvoir public. Alors, la compagnie aérienne portugaise, par exemple, TAP, est également détenue en partie par une entreprise chinoise qui, elle, détient 11,5% du consortium qui détient la compagnie aérienne. Désolée si c'est un peu confus. Il y a également des actions qui sont possédées par les Chinois dans un consortium qui, lui, détient de nombreux médias portugais. Et sinon, je vais m'égarer un petit peu, mais c'est relié, puisqu'il y a tout un autre système qui n'est pas spécifique au Portugal, je tiens à dire. C'est un des principaux pays sur lequel ça a été fait, mais il y a de nombreux autres pays qui le font en Europe, qui est le système des visas dorés, moyen par lequel il est très facile d'obtenir un visa de résident et qui laisse donc l'accès à l'espace Schengen sans qu'il y ait de vérification. Cela a notamment ouvert les portes à du blanchiment d'argent et de la corruption, de façon générale dans l'Union européenne et pas spécifiquement au Portugal. Et la Commission européenne s'est d'ailleurs récemment prononcée sur ce sujet en annonçant que les États doivent cesser, les abus de ce système. En fait, bon, je passe très rapidement dessus, mais c'est un élément à tenir en compte puisque dans le cas portugais, beaucoup, l'énorme majorité de ces visas ont été octroyés aux Chinois, en fait. Et alors, j'ai laissé le meilleur pour la fin, entre guillemets, le plus intéressant dans ce qu'on aborde ici, qui est que des compagnies chinoises détiennent des parts non négligeables dans des entreprises d'énergie portugaises. 25% pour l'une d'entre elles, et sachant que l'énergie est une infrastructure critique, en fait. Donc, combiner cela avec l'acquisition des ports, par exemple, peut devenir assez inquiétant assez vite. Et j'en profite pour nous en faire revenir à l'Union européenne, puisque c'est justement pour cette raison que l'Union européenne a mis en place maintenant, en début 2019, un, et je cite, outil européen de filtrage des investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité et d'ordre public, et donc avec une spéciale attention portée au secteur stratégique. Merci beaucoup, Carolina, pour l'encart sur le Portugal. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, ce sera un sujet à suivre parce que les relations commerciales, financières et économiques entre l'Europe, et la Chine ne sont qu'à leur début. Et il sera intéressant de voir quelle position l'Union européenne décidera d'avoir. Est-ce qu'elle conservera cette position d'équilibre entre partenaires et concurrents, ou est-ce qu'elle décidera de rejoindre les États-Unis dans leur guerre économique, ou au contraire de lâcher les États-Unis pour aller complètement avec la Chine? Rien n'est impossible, il y a quand même des scénarios qui sont plus probables que d'autres, mais gardons ça à l'œil parce que c'est très important pour nos économies évidemment, mais pour la question des indépendances nationales et de l'indépendance de l'Europe.